type de schlag, je sais pas sur quel pied danser. Entre vous m'appelez vous d'ailleurs ou peut-être vous parlez censé. L'avenir en chute, l'Imayan c'est celle qui tombe à pic. Y'a peu de frères automatiques, sont les coups de pute qui plombent ta Yves. Harry a rien d'acquis, à qui se fie à part ta clique. Pour que ça fonctionne mieux faudrait qu'on se capte, mais y'a pas d'appli. J'crois que j'ai sauté sur l'occasion comme un pied sur une mine. Pour aller en paix sur une île et vite exploser de caisson. J'baisse même plus la France depuis qu'elle fait l'étoile de mer. Pourtant j'prends du recul, j'vois ça de haut et j'ai le mal de l'air. Ça part en couille, ça mérite un bon coup de pied dans les balles. Ceux de l'intérieur ça pue, c'est comme péter dans la base. Ça me casse les bonbons depuis que c'est la tous qui chante. Les cœurs ne font plus boum boum depuis que les politiques chambrent. Mal ou bitch, j'suis solitaire comme les vers d'entrée mort. Lève ton doigt en vert en démol, après tu seras plus solidaire. L'avenir en chute libre. Ayan, c'est celle qui tombe à pic. C'est celle qui tombe à pic. Y'a peu de frères automatiques, sont les coups de pute qui plombent ta vie. C'est perdu dans nos rêves, où est la réalité? On veut un moment de trêve, avoir de la vitalité. On s'en pas assuré alors que la merde escalade. Je crois qu'on voudrait être assuré avant la dernière escapade. On s'est perdu dans nos rêves, où est la réalité? On veut un moment de trêve, avoir de la vitalité. On s'en pas assuré alors que la merde escalade. Je crois qu'on voudrait être assuré avant la dernière escapade. Je suis dans un monde à part, genre paumé dans un gros atlas. On fait du mieux qu'on peut, mais on sera jamais Rosa Parks. Je suis décalé, pourtant je suis pas Guada, juste Faya, les paupières un peu trop lourd, le cerveau flagada. Chacté entre vous pendant qu'on gratte nos vaches cornées. Chut, la loi du silence ne s'applique pas qu'aux muets. On va vous entasser comme les kilos d'un obèse. Et si la liste pour nous baisse, c'est qu'ils ont le cœur encrassé. C'est la faucheuse qui braque alors qu'elle y va pas de main morte. La peur de regarder dans le temps quand la merde est au bas de la porte. Je te dis respect de ouf si toi-même tu sais où tu vas. Tu peux indiquer la route du succès pour les mecs d'en bas. On s'emballe pas. Comme un cadeau de Noël, depuis qu'on croule sous les factures, on attend vraiment d'autres nouvelles. La mort est mise dans le trou, et y'a que ça que je suis sûr. On s'en remet pas, on vient avec un peu comme chaque blessure. La mort est mise dans le trou, et y'a que ça que je suis sûr. Perdu dans nos rêves, où est la réalité? On veut un moment de trêve, avoir de la vitalité. On s'en pas assuré alors que la merde escalade. Je crois qu'on voudrait être assuré avant la dernière escapade. On s'est perdu dans nos rêves, où est la réalité? On veut un moment de trêve, avoir de la vitalité. On s'en pas assuré alors que la merde escalade. Je crois qu'on voudrait être assuré avant la dernière escapade.